Et on enchaîne avec un petit récap d'hier, Antoine Leng, s'il vous plaît. Pitié. Mon Dieu. Alors oui, un petit récap de la veille et puis même de l'avant-veille. Le festival a pré-commencé jeudi soir et ça se passait au musée d'ethnographie, au MEG, avec... Oui. Donc Marie Janson qui est présente m'explique comment me placer devant un microphone. Ce qui fait toujours plaisir. Donc il y avait un concert de Bridge Chamble. On s'est beaucoup entraîné. Voilà. Puis il y avait un How to Pronounce. Et il y Internet. Avait d'ailleurs un How to Pronounce dont je ne suis toujours pas arrivé jusqu'au bout. Et donc Bridge Chamble, qui est une joueuse de cornemuse qui est venue présenter cet instrument. On n'entend plus là. Et sa musique. Ouais, j'ai baissé, sinon ça fait des... Pardon, il y a tous les micros ouverts, si jamais on entend vraiment tout ce qu'on dit. Et puis, donc cette soirée était co-organisée, co-proposée par le MEG et par le Festival Archipel. Et hier, le festival a véritablement commencé avec Liquid Room, qui s'est déroulé pendant 2 heures, c'est ça ? 2h15, voilà, à peu près, 2h10. Un concert un petit peu organisé autour de l'œuvre de Robert Ashley, mais avec d'autres propositions. Sarah Nemtsov, Jesse Cox, Laurie Anderson, Tom Johnson, et Jennifer Walsh et Brian Harrison. Vous pourrez nous en parler un petit peu après. Et puis ensuite, la soirée s'est terminée avec une pièce de Anne-Julie Rollet au Salon d'écoute. On en reparlera aussi un petit peu. On accueille donc Marie Janson et Denis Schuller, qui sont directeurs et directrices, co-directrices du Festival Archipel, qui vont nous en parler pendant un petit moment. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut. Ça va bien ? Super. On est à fond. Ouais. Ok. Ça a bien démarré du coup pour vous ce début de festival ? Ouais. Super. Ouais. Ouais. Vraiment. Ah on était vraiment très très contents. Il y avait 200 personnes, il y avait du monde partout. Il y avait. La salle était comble. Il y a eu une grande soupe à la fin, réalisée par Louis Schill. Donc tout le monde a mangé ici, tout le monde est resté, tout le monde a fêté le son, la musique et sa recherche. Donc c'est vraiment génial. Oui, la soirée était vraiment incroyable. Puis le pré-festival était super aussi. Il y avait aussi plein de monde au musée. C'était une première collaboration avec le MEG. Elle a été vraiment joyeuse. Enfin, voilà, on en est très contents. Trop beau. Là, je mets un peu en fond du coup, un enregistrement de Yvan Malherbe qu'il a fait, du coup, c'est ça, hier. Oui, donc c'est une collaboration avec la RTS qui nous a gentiment donné un enregistrement binaural réalisé par Ivor Malherbe qui s'est promené en fait pendant le concert de Liquid Room dans la salle et puis qui a capté ces sons avec ce système binaural qu'on fixe aux oreilles et puis qui nous permet de faire ressentir le point de vue de l'auditeur. On parlait tout à l'heure du souffle, enfin on a commencé à parler du souffle en introduisant une de nos rubriques qui s'appelle le gros vent. La thématique du vent et puis du souffle, c'est quelque chose d'assez présent ou important dans ce festival. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Alors oui, il y a quelques fils rouges souvent qui sont un petit peu, comment dire... Finalement, on s'en rend compte après qu'on pourrait faire un fil rouge. Par contre, celui de l'air, du vent, du souffle, c'est vrai que c'était un petit peu un swell, un petit délire. Et surtout, l'air contenu, un peu retenu. Enfin, après, il y en a partout du souffle, justement. Après, ça s'est étendu. Mais la première idée, elle était un petit peu autour de cette lutherie artisanale qui fait qu'on... Ou lutherie artisanale, mais des fois devenue une vraie lutherie, comment dire, celle de, par exemple, de la cornemuse. Mais cette idée de l'air retenu, la première idée, elle est partie avec Arthur Chambry, là, que j'ai vu dans une performance où il est assis sur un ballon de gym et avec des trucs plantés dans le ballon de gym, et qui ne sont pas des flûtes, mais qui ressemblent un peu de loin, et une trompette à la bouche. Et le temps de ce ballon de gym qui se dégonfle, ça prend 10 minutes, et ça sonne comme une magnifique cornemuse, en fait. Et j'ai trouvé ça magique et un peu drôlatique, et ça m'a donné envie de justement explorer l'accordéon, la cornemuse et des lutheries artisanales avec des tuyaux, des souffleries, voilà, avec L'Engoulevent par exemple, c'est de Clément Vercelletto, c'est des apôts au bout de tuyaux d'orgue et de tuyaux, enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et Denis avait programmé aussi les sonneurs, tout ça. Tout, alors là, on est, hein, tu peux énumérer les instruments, j'adore tout cette. Oui, ouais, alors les sonneurs, donc c'est, on est sonneur quand on joue de la cornemuse en Bretagne. Et donc ces sonneurs, ils sont quatre, ils jouent de la cornemuse, de la bombarde, de la trélombarde et du biniou. Donc des instruments qui ne sont d'ailleurs pas forcément avec une poche d'air qu'on remplit et qu'on vide, ah, y a du poumon mais toujours aussi. avec des hanches doubles qui donnent ce son spécifique en fait de l'instrument. En tout cas, ça décape. Ça, et là, ils sont quatre, donc ça va assez à fond. Ils sont avec un quatuor à cordes qui, du coup, ça tranche assez fortement dans le son. Pour un programme tout à fait étonnant qui combine musique du 20e et du 21e siècle. Et puis, j'ai aussi programmé un projet avec 8 trompettes. Alors là aussi, on est sur... c'est quelque part, bon, rien de plus logique que d'avoir de la trompette dans un festival de musique et contemporaine en particulier. Mais 8 à la fois, c'est quand même un tout petit peu spécifique. Avec une messe de Dufay, donc du 15e siècle, auquel répond une musique du 21e siècle avec 4 limbes. Et puis une œuvre de Justė Janulytė, une compositrice lituanienne qui fait une grande fresque d'une demi-heure, un son, un drone, mais pas forcément un objet sonore qui se déplace comme ça, assez horizontalement, mais pendant une demi-heure, c'est très très prenant. Et donc voilà, puis encore un projet Respiration avec Las Chulas qui propose une installation dans les escaliers. Chacune s'est enregistrée respirant. De diverses manières, on l'évoquait tout à l'heure, c'est très ludique, c'est très canaille aussi, un peu. Enfin, on se laisse vraiment prendre dans ces sonorités, ça se recombine à l'infini parce que les boucles ne sont pas de la même durée, on est dans les escaliers, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, encore un projet, j'en oublie, je pense encore, il y a vraiment de très nombreuses choses avec ce souffle. Le site web d'Archipel, on a ajouté, chaque année il évolue un petit peu, mais là on peut même faire des catégories de thèmes. Donc vous pouvez vous laisser orienter par nos petits fils rouges en les sélectionnant, et on voit qu'en effet il y en a une qui s'appelle Ne pas manquer d'air. Et merci Antoine, d'ailleurs c'est toi qui nous as soufflé ce titre. Souffler, c'est le bon mot. Voilà. Et puis il y a aussi la parole documentaire qui est un petit fil rouge. Il y a Saraya Carriaro. Ça c'est vrai qu'après il y a vraiment une multitude de choses qu'on peut trouver dans le programme. Du coup juste donc il y avait, pardon. Non, ça y est, je me suis déjà perdue. C'est et moi, super. J'ai écorché le nom, Kaya Sarayao, pardon. Ouais. Comme ça, on peut tous se corriger. Voilà. Non, mais ouais, le projet avec les 8 trompettes là, de Monochrome Project, donc ça, c'est jeudi 18. Et il y avait le quatuor, la Bella, avec les sonneurs. Ça sera pour samedi 20. Et ensuite, évidemment, Las Chulas, on peut déjà les retrouver en continu maintenant. Et cet après-midi, ça démarre vraiment là. Exactement. En plus, comme elles proposent là leur installation, elles ont décidé d'en faire une performance. Ça s'est construit à la suite de ce projet d'installation sonore. Et puis du coup, les quatre sont là et elles vont faire une performance, oui, qui va combiner dessin en direct, toujours ses respirations, de la flûte Petzold, l'installation elle-même, enfin tout un tas de choses. Trop bien, je me réjouis trop. Et oui, mais par rapport du coup à cette thématique du souffle, moi je me demandais aussi comment vous en étiez venu à vous concentrer tout à coup là-dessus. Est-ce que vous êtes parti d'un événement? C'est la faute de Marie. Je racontais à Arthur Chambry. Oui, c'était. Je crois que c'est ce moment-là. Mais après, il y a aussi, ça fait très longtemps que j'avais envie de programmer de la cornemuse et de jouer aussi sur la cornemuse expérimentale versus la tradition. En fait, c'est Bridge Chamble que j'essaie d'inviter d'ailleurs dans d'autres contextes aussi depuis 4-5 ans. Ça fait, j'ai eu ce passage pendant 4 ans où j'ai programmé des aubes musicales et en fait, j'ai essayé de l'inviter aux aubes. Ça n'avait pas marché, le Covid. Après Archipel, on me dit, mais c'est intéressant d'avoir une musicienne traditionnelle dont les sonneries, la manière dont elle joue, précisément, Bridge Hamel, pour moi, évoque vraiment les notions d'écoute profonde qui sont aussi souvent questionnées ou pratiquées dans les musiques expérimentales, le drone, tout ces, elle est vraiment dans cette façon de jouer qui peut faire écho à des musiques expérimentales, en fait. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on entend quand on gravite dans les festivals de musique expérimentale. Et finalement, ça a pu se faire. Voilà. Et donc, tout ça amène à avoir envie, oui, de ces c'est une histoire de goût du son, quoi, de comment ça sonne, pour moi, en fait, la cornemuse. Et ces orgues aussi, ces orgues artisanaux. Et j'adore le son. C'est tout bête. Hein. C'est comme ça que ça naît souvent, les envies. C'est ce que disait Phil Moore, le luthier de Chamber. C'était rigolo parce qu'il y a eu une discussion au musée suite à la performance de Bridget autour de la cornemuse pour en parler. Puis tout il y avait un musicologue, enfin tout le monde décortiquait d'où ça vient, quelle époque, comment. Puis à la fin, à un moment donné, il dit ouais, mais en fait moi je pense que si ça existe depuis très très très longtemps la cornemuse, ils n'arrivaient pas à dire quand ça a commencé tout ça. Puis lui il avait un peu l'explication toute bête qui dit qu'il pense vraiment que le drone est quelque chose qui interpelle direct l'être humain, quoi, en gros, et beaucoup de musique de bourdon, enfin dans les musiques très anciennes déjà, enfin c'était finalement très naturel, voilà. Et il faut croire que nous on utilise là, maintenant en français, on utilise ce mot drone pour décrire un type de musique. Mais en anglais, drone existe en tant que mot verbe qui indique ce son continu, en fait. Donc nous, on a vraiment récupéré le maintenant, voilà. L'anglais, c'est d'ailleurs. Juste, mais c'est vrai que parenthèse terminologique médiévale, ça, on dit enfin le bourdon, quoi, le bourdon. Si... Ce serait le bourdon en français. En fait, c'est ça. Très précisément la traduction. On va essayer de mettre, de faire écouter un peu de Bridge Rainbow. Oui, hein, yes. Bourdonnons un peu. J'aimerais vraiment beaucoup. Alors, c'est des extraits. C'est les extraits. C'est des extraits. Ouais. Ah oui, là, c'est super. Enregistré, c'est vraiment le concert de l'audio, c'est des petits extraits. Ouais. Ah non, parce que. Ah non, tu es allé chercher en disque. Ah. Ouais, parce que malheureusement, ça n'a pas marché. Ça t'envoie là. Oh, non, mais c'est peut-être mieux en disque. Enfin, en tout cas. Hop là, c'est bon, c'est... No, well, ouais. No. Non, non, mais c'est parce qu'en fait, voilà, c'est Radiozine, Radio Fanzine. C'est une radio, c'est un fanzine. Et c'est un radis, c'est une usine. Ouais, ça va. Tout de suite, ça arrive. Parce qu'on est en train de checker en même temps, parce qu'on est en train de se roder un peu aussi sur la technique. Donc, on vérifie en temps réel qu'est-ce que vous entendez, vous. Sauf qu'avec une minute de décalage. Donc, on a eu un tout petit couac de playlist. C'est-à-dire qu'on a d'abord effectivement entendu Bridge Ramble. Et puis ensuite, c'était Maria Chavez, Mariam Rezaï et Victoria Chen. Parce que c'est vraiment aussi assez merveilleux. Puis d'ailleurs, ça tombe bien parce que je voulais aussi vous poser des questions par rapport à ça. Parce que tout à coup, c'est un bout de programmation qui semble être en dehors aussi de ces fils. Du coup, par curiosité, savoir comment est-ce que vous avez aussi tissé les liens, comment vous en êtes venu à inclure ce type de sonorités-là, qui sont pour le coup vraiment extrêmement différentes de la cornemuse de Bridge Ramble. Alors, Mariam Rezaï, on l'a entendu, parce que Marie était là aussi au festival Huddersfield. En 2019, genre, c'était en 2019, 20. Juste avant le Covid. Donc c'était en 2019, novembre 2019. Et puis c'est une musicienne turntablist. C'est une elle joue des platines de manière tout à fait et totalement virtuose. Elle est très impressionnante. Et nous l'avons invitée en 2020 ou 2021, je ne sais plus. En tout cas, c'était le Covid. Bref, elle n'est pas venue. Elle n'était pas là du tout. C'était cette époque où tout le monde enregistrait des vidéos incroyables avec des gens qui faisaient tout chez soi. Donc elle a produit une musique où on la voit faire des platines qu'on a diffusées en vidéo dans notre salon d'écoute. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec une performance live. Donc du coup, il y avait toujours ce souhait de l'inviter. Et puis son projet en trio, il est nouveau, il existe depuis un peu moins d'une année ou une année. Et donc du coup, il y a le trio qui existe maintenant, on s'est dit on l'a fait venir en trio plutôt que toute seule. C'est né comme ça. Et puis en termes de... Oui, ça peut effectivement paraître à côté, en même temps ça fait partie du panorama de création sonore qui existe aujourd'hui, donc ça a évidemment totalement sa place. Oui, et puis ça s'appelle le petit sous-titre là sur le programme, c'est Dérapage contrôlé, c'est tout à fait ça. Et puis on est aussi dans la platine un peu, il y a beaucoup de lutherie artisanale dans le festival, et là, c'est ce que j'allais dire. Et vraiment, Victoria Chen par exemple est vraiment là-dedans. Ouais, c'est que ça rejoint vraiment encore toute une pratique aussi de nous, ce qu'on entend par lutherie, le travail du bois, le travail de l'instrument un peu dit noble, mais je sais que Victoria Chen et Vic Chen, elle a aussi une pratique de. Autocréation, vraiment de ses propres instruments, avec tout un tas aussi d'objets récupérés et qui restent quand même très lo-fi par rapport à ce qu'on peut produire en termes d'électronique. Elle est vraiment sur du piezo, des peignes, le archer, tout ça amplifié. Ce qui est assez drôle avec son travail, c'est qu'elle, c'est vraiment assez arche, quoi. Elle y va à fond, c'est très fort en volume, le son est multiplié, mais elle utilise pour se faire des ongles, un peigne à cheveux. Donc il y a un truc assez drôle qui joue sur des éléments de féminine, associée vraiment à la coquetterie féminine, et elle fait tout péter, quoi, avec ses ongles peints. Après, elle fonctionne sous plusieurs noms, justement, Victoria Chen ou Evic Chen, et où, sous le nom d'Evic Chen, elle est plus dans la performance où elle met en scène son corps de manière assez, on va dire, intense. Elle est vraiment à fond. Et puis là, en trio, c'est pas forcément ça. Elle est plus sur les instruments, justement, et sa lutherie. Elle peut jouer des diamants de tournedis sur des cailloux, sur tout un tas de choses. Elle recrée ça. Et puis Maria Chavez, si, pour parler de la troisième, elle recombine plutôt dans une tradition comme Christian Marclay, de recombinaison de disques, de morceaux de disques vinyles, évidemment, qu'elle remet ensemble, qu'elle reconfigure, elle les casse, elle les coupe, elle les remet ensemble, et du coup ça donne des couches, elle remet d'autres disques sur d'autres disques, et donc du coup ça change tout le temps, ça fait des hoquets comme ça qui sont en perpétuelle recombinaison. Trop beau. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous avez, en tout cas cette année, je trouve assez intensément que vous avez fait, c'est-à-dire d'inviter une personne, mais pour présenter ses multiples facettes. Il y a plusieurs personnes comme ça qui reviennent, et puis qui, ben, Clément Vercelletto notamment, Anna Maria Romano, même Céline Henny aussi, qu'on voit dans plusieurs projets. Enfin, il y a. Alors, il y a les partages d'écoute, c'est pas forcément plusieurs projets, ceux qui sont vraiment dans plusieurs projets, c'est surtout Angelica Castello. Surtout, Angelica Castello aurait pu créer un fil rouge à elle toute seule. Voilà. Mais en effet, Clément Vercelletto, Angélie Rollet, voilà. C'est surtout ces, je crois, ces trois-là qui sont. Et après, il y a ces présences que vous avez vues se répéter. Ça, c'est aussi parce qu'on profite des invités du festival pour leur proposer ces partages d'écoute. Donc, ces moments où ils nous présentent des morceaux ou des pièces, voilà, qui les ont marqués, qui les marquent encore, et qui passent non pas leur propre musique, mais qui partagent leurs écoutes avec un public dans le salon d'écoute. D'ailleurs, à midi et demi, nous allons entendre celui de Céline Henny. Ouais. Très bien. Ben voilà, moi après. Pendant qu'on parle, on entend Au Superman de Laurie Anderson, et qui est un extrait de la soirée d'hier de Liquid Room. Et finalement, on a beaucoup parlé de lutherie expérimentale, et puis de propositions un petit peu neuves, de rapport à la tradition. Comment est-ce qu'on peut placer finalement cette soirée d'hier dans cette perspective ? Parce qu'on entend Laurie Anderson, moi je l'ai entendu peut-être au moment où c'est sorti, enfin on n'est plus tout jeune, et finalement de redécouvrir ça hier soir, ça m'a fait une impression assez étrange, parce que j'avais l'impression d'entendre quelque chose qui est devenu un classique. Oui, c'est ça, comme d'autres œuvres de Robert Ashley qui ont été présentées à cette occasion. Enfin, est-ce que vous pouvez en moi, dire un petit peu de mots? Mes premiers vinyles, en fait, ouais. C'est drôle. Ce disque-là de Laurie Anderson, je l'ai en vinyle depuis enfant. C'était un cadeau de ma mère. Et donc, c'est vraiment pour moi un tube, hein, Au Superman de Laurie Anderson. J'adore. Je pense que ça m'a influencée. C'est vrai que je suis très malin. L'idée de programmer cette pièce de Laurie Anderson dans un projet autour de Robert Ashley. Parce que je pense que c'est pas pour rien que je suis un petit peu fan de Robert Ashley. C'est peut-être grâce à Laurie Anderson, en fait, d'une écoute d'enfance. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ces histoires de tradition qui deviennent maintenant. On devient assez vieux pour avoir notre propre musique traditionnelle. Et c'était très finement reenacted, reformulé. Oui, oui. Avec par rapport à la musique de Robert Ashley, un incroyable travail réalisé par Jean-Luc Plouvier, qui a du coup écrit sur papier la musique qui ne l'était pas forcément. Et ça, c'était une incroyable performance aussi des deux chanteurs, Nina Guo et puis Tarek, je ne me souviens plus de son nom de famille, mais les deux qui interprétaient la partie lecture de cette musique qui est assez intense, avec un débit de paroles qui ne s'arrête absolument jamais. On est bombardé comme ça de mots. Et puis justement aussi Au Superman qui a été reformulé, voilà, avec une boîte, je sais pas exactement ce qu'il y avait. Il y avait un sampler qui balançait cette litanie de oh oh oh, et puis lui qui chantait par-dessus, qui rajoutait ses couches, c'était vraiment très finement refait. Oui, donc Tarek Alabi qui a même Alabim aussi. Je sais pas, on dirait que c'est l'original, mais je crois. Enfin, j'ai demandé, mais j'ai pas eu la réponse par l'interprète. Mais Serge Huy, il m'a dit qu'il pense que c'est. Il pense que c'est l'original. Non, que c'est. Moi, j'aurais dit que c'est tout était refait, moi. Mais franchement, c'est bluffant, hein, le est très proche de l'original. Mais même toutes les sonorités Ashley, hein, je veux dire, par rapport à l'ensemble, je me demandais, mais comment ils vont faire ? C'est tellement spécifique. Ouais. Avec une magnifique danse à la fin, pour ponctuer Au Superman. Mm-hmm. Et puis, est-ce qu'on peut dire quelque chose de ce projet Liquid Room, un petit peu en général ? C'est quelque chose qui a été créé par Ictus, justement. Ictus a créé ce projet il y a une dizaine d'années, ou plus même. C'est le dixième programme sur cette idée. Avec le concept, c'est de mettre ensemble des gens dans un espace en leur disant « Vous faites ce que vous voulez, il y a de la musique, il y a plusieurs scènes, c'est un espace liquide, voilà, on rentre, on sort. » C'est fluide. On profite de ce temps musical librement, versus la place de concert assignée, on s'assoit, il était interviewé hier soir, il disait voilà, il y a encore maintenant des gens qui se posent la question de savoir s'il ne faut pas exclure de la salle de concert les gens qui toussent pendant, tout d'un coup pendant une œuvre. Bon ben voilà, ça c'est vraiment l'extrême inverse, on est très libre, on profite, c'est ici et maintenant, c'est pour tout le monde et il n'y a pas de, on déhiérarchise. Puis on a aussi, il y a aussi cassé le rituel, les choses un peu pénibles des fois dans les concerts, c'est les changements entre les pièces, le lutrin truc, la partition, tous ces petites, tu vois, entrées sorties, on attend. En fait, justement, paradoxalement, c'est toujours ce moment où tout le monde tousse entre les morceaux. Alors oui, voilà, c'est super, comment dire, d'être free, enfin, accueillant à tous les niveaux, mais aussi c'est super agréable qu'il n'y ait pas besoin d'avoir cette espèce de temps où on observe le changement de plateau. Là, c'est vraiment fluide, c'est vraiment l'idée de la fluidité entre les scènes aussi. Ça donne un continuum. C'était très, très réussi. Ben voilà, non, ça va déjà bientôt être fini, mais j'aurais juste voulu peut-être un petit mot, puis ça rejoint aussi cette idée de liquidité là, de liquid room. Je trouve que c'est aussi quelque chose qu'il y a justement ici, parce que en re-regardant dans le texte de la conférence de presse, il y a quelques termes comme ça qui reviennent. Et qui, j'aurais juste bien aimé vous entendre un peu là-dessus, sur par exemple l'amitié, qui est un terme qui est revenu, l'amitié, le partage, et aussi dans ces idées de continuité, des espaces qui sont mis en place, la librairie, nous l'espace ici de la radio, du coup aussi l'importance oui. d'une radio dans un festival, ou pourquoi le fanzine, la radio, c'est des choses qui reviennent, la cuisine aussi, d'inviter, il y a quand même une programmation culinaire, en fait, à chaque fois c'est des personnes différentes, puis si c'était possible de vous entendre un peu. C'est clair que c'est l'essence même de ce projet, et d'être dans un lieu unique au cœur de Genève, avec en plus une salle, la Maison communale Plein Palais. En fait, ce qui est superbe dans cette salle, c'est que c'est une salle populaire, c'est une salle comme une salle communale. Voilà, c'est une salle communale. Mais elle est extrêmement chic. Hein. Et ça, c'est super. Il y a un énorme. Rien que là, il y a un respect imposé. J'adore l'idée que ce soit un peu le château. Pour tout le monde, parce que vraiment elle est belle hein, cette salle. Ouais, je sais pas si tous les auditeurs la connaissent, mais voilà, on a les Art Déco, il y a trois niveaux, donc voilà, l'hospitalité au corps du projet. Je voulais faire un petit lien, mais je vais laisser aussi à part à Denis, mais sur le Liquid Room, j'aimais bien aussi cette histoire de commencer avec ce projet, parce que quelque part c'est un peu ce que tu nous proposes là, tu vois, de faire le lien, c'est qu'il y a un petit peu quelque chose comme ça dans le festival lui-même, c'est un petit peu un méta, le concept d'archipel, il est aussi de créer une fluidité permanente entre les niveaux de la maison, les installations et le être ensemble, et les concerts, et etc. Donc oui, c'est au cœur du festival, mais Denis complète peut-être aussi, qu'est-ce que tu as envie de dire des choses là-dessus ? Vous mentionniez médiation, et quelque part, on fait de la médiation sans faire de médiation. C'est, on propose un dispositif qui permet à tout le monde de découvrir et profiter de tout cela, ensemble, à travers justement être ici, être ensemble, prendre le temps, être tranquille par rapport à toutes ces musiques qu'on considère comme un peu compliquées, complexes, difficiles d'accès, etc. Évidemment, nous, c'est notre métier, donc ça nous paraît pas, mais c'est vrai que c'est pas forcément simple de se dire on va écouter de la musique expérimentale. Contemporaine, ça, c'est quand même, c'est un peu pour, c'est pas si évident que ça. Donc, on met en place tout ce dispositif parce que, principalement parce qu'on aime partager en fait, parce qu'on aime être ensemble, puis qu'on pense que l'expérience musicale, de toute façon, la vie globalement, c'est être ensemble et partager. Et puis spécifiquement la musique, c'est une expression de cela, à savoir que quand on écoute de la musique, on est tout seul et on est avec les autres. Et puis ce truc-là, il est fondamental. On peut jamais. Ça fait vraiment partie de l'expérience. On est tout seul, mais on n'est jamais seul. Et puis pour nous, c'est super important. Oui, c'est ça. On dit souvent, la musique, le son et l'écoute. L'écoute, avec tout ce que ça veut dire, tout ce que c'est l'écoute. Voilà. Donc forcément, c'est être ensemble et partager et s'écouter. On essaye. Moi qui suis la championne d'interrompre. Mais voilà, ça me pose d'être à Archipel pendant les concerts. Là. Et on peut se poser aussi. C'est important. Enfin, se poser confortablement. Il y a vraiment l'idée de là. Il y a beaucoup de choses gratuites et beaucoup de choses avec des coussins, des matelas. Enfin, on est. Ouais, voilà, c'est ça. Quelque chose de très accueillant. On mange et on s'allonge et on joue. Il y a aussi la salle de jeu et avec toute sa programmation très intense pour les enfants. L'idée aussi de faire le déclic, là, on essaye, peut-être qu'on arrive juste à les choper au bon moment. Une petite expérience de la salle de jeu Archipel et la vie est bouleversée. Non, puis juste d'inclure déjà en fait les familles et de permettre aussi cet accès qui est vraiment très rare dans les festivals de musique en général, particulièrement de musique contemporaine, ou justement par rapport à ça, de ne pas tousser, donc les bruits d'enfants aussi, c'est toujours assez malvenu. Puis ça, c'est vraiment un aspect où il y a... Alors une programmation particulière à cet endroit-là, je trouve que c'est vraiment beau. Et par rapport à la scénographie aussi, enfin je sais pas, je pense du coup vous étiez à côté là, à la RTS, vous avez pas entendu, mais Yvonne a interviewé les nuages qu'on voit là, qui permettent aussi de casser un peu les réflexions du son, parce que c'est effectivement une maison communale très chic et magnifique avec des gros volumes et donc une réverbération. Également impressionnante. D'où ces nuages. Ouais, d'où ces nuages. Qui absorbent en fait, qui sont en laine et qui absorbent un peu le son, qui rendent l'acoustique ici beau. Et qui sont agréable. Une installation d'art visuel en soi. Ouais. Non, vraiment très beau et qu'on a pu entendre donc, en interview ce matin également. Voilà. Ben, écoutez, ben, merci beaucoup d'être venu et puis d'avoir enchaîné avec votre marathon radiophonique d'un bout à l'autre de ce couloir. Merci pour tout et puis du coup on se croise tout à l'heure. Absolument. Pour le repas et pour ce prochain n'hésitez jour et pour le partage d'écoute. On revient pour nous donner des instructions sur la manière de parler dans les micros. Oui. C'est vrai, on reçoit aussi tout des conseil est bon pour à prendre. Dire, ah, c'est ouais. Trop bas. Voilà. Voilà. Bon, bah, merci, magnifique. Merci beaucoup. Merci. Je vais remettre un petit coup de Liquid Room, voilà, un peu plus fort cette fois. Où Ivor Malherbe en est dans sa. Dans sa promenade. Dans sa promenade. Thank you. people count their money. She likes it. Today's her wedding, and she leaves home at 5 in the morning. Down the stairs, out the door, off the porch, and around the corner. And here we are with the motor running. Where does she think they think she's going at 5 in the morning? In case they didn't know, with Ed and Dwayne and me in the car. And this is a car that's full of holes. You don't borrow the family car when you leave in the dark, even if you are going in, yeah. So today, leaving in the dark, car full of holes, no destination, or flowers, or ring. Ed and Dwayne in the front seat, and Dwayne and me in the back. If they are engaged at some place in the middle of the night, then only they can know.